Isanganiro. Jean Bosco, Douimane. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. L'équipe nationale de basketball jouera la finale vendredi contre celle du Rwanda qu'elle a battue ce mercredi dans le cadre des éliminatoires de l'AFROCAN 2023. Et le ministre burundais de l'Intérieur a récemment ordonné au gouverneur de province de ne plus enregistrer les déclarations de naissance des enfants à père inconnu. Nous avons lu pour vous ce qu'en dit le code des personnes et de la famille. Nous ferons le point dans ce journal. Des habitants de la province Kayanza et pour la plupart des commerçants se plaignent de ne pas pouvoir retirer de l'argent des banques et des microfinances. Les gérants contactés disent que les retraits dépassent de loin les versements. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'équipe nationale de basketball a remporté le match qu'il a opposé à celle du Rwanda dans les éliminatoires de l'AFROCAN 2023 en zone 5 par un score de 53 points sur 52. Le Burundi termine donc en première position sans avoir connu une défaite. Ces deux équipes burundaises et rwandaises s'affronteront en finale pour la zone 5 ce vendredi 23 juin où le gagnant représentera cette partie de l'Afrique dans la phase finale de l'AFROCAN 2023 qui se jouera à Luanda, en Angola, du 8 au 16 juillet prochain. Ces éliminatoires de l'AFROCAN 2023 en zone 5 ont vu la participation de 5 pays, à savoir la Tanzanie, pays hôte, le Burundi, le Rwanda, l'Érythrée et le Soudan du Sud. Le ministre burundais de l'Intérieur a récemment ordonné au gouverneur de province de ne plus enregistrer les déclarations de naissance des enfants à père inconnu. Martin Niteretse l'a dit au début de ce mois de juin au cours d'une réunion avec le gouverneur de province en mairie de Bujumbura. Il a indiqué que les services de l'état civil devraient cesser l'enregistrement d'un enfant naturel tant que sa mère ne dénonce pas le père. Suivez plutôt le ministre Martin Niteretse, traduit en français par Alain Désiré Boukayenetsa. Au Burundi, nous avons des enfants de pères inconnus qui sont déclarés dans les registres de l'état civil. Qui vous a permis de le faire ainsi? Pourquoi vous écrivez « père inconnu » Il faut leur exiger de dire qui est le père de l'enfant. On ne peut pas continuer à écrire « père inconnu ». Toute femme qui déclarera son enfant de père inconnu devra justifier comment elle ne peut pas le connaître. Il y en a d'autres qui mettent le nom de son grand-père. Une fille met au monde un enfant et l'emmène chez sa famille pour être élevée par sa grand-mère. C'est vraiment un problème social. Comment allons-nous gérer une société de gens non disciplinés? Avec ce système de gratuité de soins aux femmes enceintes, telles personnes veulent aussi en bénéficier. Nous devons être prudents. Je propose aux administratifs, réfléchissez sur ce qu'il faut faire. Formez des comités de parents avec 5 personnes par groupe au niveau des cellules. Choisissez des parents qui ont le sens de responsabilité et leur donnez la tâche de suivre de près l'éducation des enfants. Si on laisse les filles manifester ce genre de comportement, nous regretterons de n'avoir rien fait. Les garçons prennent des stupéfiants, s'habillent inconvenablement. Mais nous, parents et administratifs, on ne fait rien comme si c'était normal. Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, et le code de personnel de la famille de Burundi dispose que l'acte de naissance d'un enfant naturel ne mentionne que la mère. Certes, le ministre de l'Intérieur veille à la bonne tenue de l'état civil, mais son décret loi de 1993 indique que la précision de son père est faite si celui-ci l'a simultanément reconnu. Les précisions dans ce compte rendu de lecture du code de personnel de la famille avec Ingabire de Horeb. La déclaration de naissance doit être faite dans les 15 jours à l'officier de l'état civil dans le ressort duquel la mère a son domicile. L'article 37 y précise que cette déclaration s'impose même pour les enfants morts avant les 15 jours. Il ressort de l'article 38 que l'obligation de déclarer la naissance incombe au père de l'enfant, à défaut du père, à la mère, à défaut du père et de la mère, à toute personne ayant assisté à l'accouchement. Quant à l'article 39, l'acte de naissance énonce le jour, et le lieu où l'enfant est né, son sexe, le nom et le cas échéant, les prénoms qui lui ont été donnés, ainsi que s'il s'agit d'un enfant légitime, les noms, prénoms et domicile des pères et mères. Et l'article 40 indique que l'acte de naissance de l'enfant naturel ne mentionne que la mère, sauf si l'enfant est simultanément reconnu par son père. Enfin, l'article 214 énonce que l'enfant naturel a pour père la personne qu'il a reconnue en cette qualité ou qui a été déclarée telle par décision de justice. Suivant les dispositions de l'article 36 du Code des personnes et de la famille, le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions veille par voie d'instruction à la bonne tenue de l'état civil. C'était le compte-rendu de lecture de Horeb Ingabire, stagiaire à notre station. Les réfugiés du camp d'Onyanganda, en commune de Boutézi, c'est dans la province de Ruyigi, réclament une amélioration de leurs conditions de vie. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés ce mardi, ils ont indiqué que les vivres réduits à 50% ne peuvent pas boucler les 15 jours. Brigitte Mukanga Eno, représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi, le reconnaît et informe que cette organisation est tenue de répartir les moyens existants, notamment avec le Soudan, l'Éthiopie et l'Est de la République démocratique du Congo, où de nouvelles crises ont éclaté. Jean de Dieu, il a causé. La distribution des vivres connaît beaucoup de problèmes ces derniers temps. C'est le président du Kanyanganda dans lequel les réfugiés. Il explique que la prise en charge au niveau des vivres diminue d'année en année et pense que c'est notamment dû à plusieurs guerres. Nous avons observé l'insuffisance de la quantité de vivres dans les années passées. Les 100% qui étaient de 10,8 kg et ces derniers temps couvraient que 20 à 23 jours. Puis nous sommes allés à 80%. Aujourd'hui, elle est allée à 50%, c'est-à-dire des 5,4 kg de vivres qui ne couvrent que 10 à 13 jours. Que les différents partenaires puissent toquer les portes des différents donateurs pour mobiliser les fonds. Les moyens énormes, quelle que soit la diminution des budgets causée par les conflits armés. La représentante résidente du Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, le confirme. Et Brigitte Mukanga Eno explique que les nouvelles crises aggravent cette situation car, dit-elle, le budget est tenu d'être reparti pour répondre à ces dernières. L'Afrique de l'Est, malheureusement, a beaucoup de conflits actuellement. Ça n'a rien à voir avec le conflit de l'Ukraine. Le budget pour cette année était pratiquement égal à celui de l'année passée. Mais tout simplement, à cause des nouvelles crises, il fallait également répondre en tenant compte du même enveloppe. Donc nous avons le Soudan qui a éclaté. Nous avons l'Éthiopie, malheureusement, qui a éclaté. Et nous avons d'autres crises qui n'arrêtent pas, notamment la RDC. Et en RDC, rien que pour ce début de l'année 2023, il y a déjà plus de 50 000 nouveaux réfugiés dans la région. En Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie, il y a beaucoup plus de réfugiés qui vont dans ce sens-là. Le Burundi, nous sommes encore à moins de 2 000 nouveaux réfugiés. L'assistant du ministre de l'Intérieur, Célestin Nibona Bonasinze, appelle les réfugiés à consolider les travaux de développement. Il s'appuie sur les initiatives déjà mises en place par le gouvernement burundais pour ces réfugiés. Plusieurs réfugiés ont été sensibilisés et formés pour qu'ils puissent travailler afin de satisfaire les besoins primaires de leur ménage. J'encourage dans ce même sens tous les réfugiés qui exercent des activités génératrices de revenus dans notre pays, car ils ont emboîté le pas de notre gouvernement. La célébration de la Journée mondiale des réfugiés ce mardi à Nyanganda était une occasion pour les réfugiés de manifester leurs talents à travers une exposition vente. La radio de l'avenir. Nouvelle de Provence à présent, des habitants de la province Kayanza et pour la plupart des commerçants se plaignent de ne pas pouvoir retirer de l'argent des banques et microfinances. Les gérants contactés disent que les retraits dépassent de loin les versements. Ils tranquillisent les clients que la banque centrale est au courant de la situation et qu'elle promet de trouver une solution à ce problème. Patrick Saint-Guillaume. Lors de notre passage, le matin, de sommer les crédits aux agences et des banques et microfinances Evran Kayanza, nous avons remarqué qu'il s'observait un manque d'argent suffisant à donner aux clients de ces institutions bancaires. L'exemple est celui de la Copec Kayanza, où le client ne devrait pas faire un retrait d'une somme dépassant 5 000 de nos francs. À d'autres agences et de banques et microfinances à Kayanza, les gérants nous ont indiqué qu'ils sont en attente d'approvisionnement par la Banque de la République du Burundi. Cette situation inquiétante qui était plus dense parmi la population à Kayanza, majorité commerçants, qui disent que leurs activités commerciales sont paralysées par le fait de manquer des billets de banque. Interrogés à ce propos, certains des chefs d'agences bancaires et microfinances à Kayanza nous ont fait savoir qu'ils ne disposent pas de billets de 5 et 10 000 francs dans les coffres de ces institutions bancaires. La cause, selon toujours les mêmes sources, est que beaucoup de leurs clients effectuent des retraits bancaires mais pas des versements. Bien que la situation se présente ainsi, il tranquillise les clients des banques et microfinances qu'il gère que la question est entre les mains de la banque centrale et qu'elle trouvera solution très prochainement. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Sanganilo. Et dans la province voisine d'Ngozi, les élèves de la classe terminale de la section sciences sociales et humaines au lycée urbain de Muremera, c'est au chef-lieu de cette province d'Ngozi, ont repris les examens et pour cause en vol des examens de fin d'année qui a eu lieu et qui a causé du retard dans l'acheminement des listes des candidats à l'examen d'État qui devait être envoyé à Bujumbura au ministère de l'Éducation ce mercredi. Les élèves, les parents et les professeurs demandent que les responsabilités soient établies dans cette affaire. La direction de l'éducation en commune Ngozi dit avoir entamé ces enquêtes. Apollinaire Muzagara. Ces tricheries ont été évoquées jeudi passé et les responsables de l'éducation en Ngozi ont entamé des enquêtes. Le constat, 5 examens ont été volés et donnés à certains éduques. Les élèves de cette section ont été priés de refaire les examens dans les disciplines concernées, mais ont refusé, exigeant d'abord de connaître celui qui a livré ces examens pour qu'il soit puni. 6 de ces élèves ont été même renvoyés. C'est ce mardi, après maint conseil des uns et des autres, qu'ils ont accepté la reprise de ces examens en vue de connaître ceux qui auront accès à l'examen d'aide. La liste des candidats à ce test national devrait normalement arriver à Bujumbura ce mercredi, d'où le retard de ces derniers. Les parents, professeurs aussi demandent que l'auteur de cette tricherie soit connu et puni, étant donné que des forfaits similaires sont monnaie courante à Solis. Dernièrement, un professeur de ce lycée, Ezekiel Minani, a été condamné à 7 ans de prison, accusé d'avoir couché avec son élève à qui il avait promis 2 points. La directrice de l'éducation en commune Ngozi tranquillise que 2 enquêtes se poursuivent en vue de l'établissement de la responsabilité. Donc Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et la commune Nyabihanga de la province Mwaro est parmi les communes de cette province qui ne sont pas dotées de centres de lecture et d'animation culturelle. Cela étant, le directeur du lycée Nyabihanga, se trouvant au chef-lieu de cette commune, indique que les élèves se rabattent sur la bibliothèque de cette école. Dieudonné Zoï Saba ainsi que les élèves du lycée communal Nyabihanga souhaiteraient avoir un centre de ce type. Évariste Nzikobanyanga, reportage. Ce sont les petits poussins de la première maternelle du lycée communal de Nyabihanga. Nous sommes au chef-lieu de cette commune. Ces petits-enfants ainsi que leurs grands frères et sœurs n'ont pas où renforcer leurs capacités en lecture et en jeux divers. Ceux rencontrés sur les lieux indiquent que le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC ne l'entendent qu'ailleurs, alors qu'il serait utile dans le renforcement de leurs connaissances. Ici, nous n'avons pas de claque, alors ils devraient nous aider à lire des livres et apprendre des jeux divers, surtout pendant les vacances. Ici, il n'y a que la bibliothèque dénommée établissement du savoir, mais il n'y a pas de jeu. C'est une perte énorme pour nous les élèves de n'avoir pas de claque. Ce dernier devrait nous aider à nous épanouir dans le sport ainsi que dans la lecture. Le directeur du lycée Nyabihanga, lui aussi, confirme que le claque n'est pas encore implanté dans Nyabihanga, mais que les élèves se rabattent sur les bibliothèques bibliothèques scolaires ainsi qu'à celles créées par les natifs. Dieudonné Ndayisaba trouve que le CLAC s'avère nécessaire. Ces centres de lecture ont une grande importance dans la mesure où les élèves ou bien les jeunes d'une façon générale peuvent fréquenter ces centres de lecture et ces centres de lecture peuvent les aider à développer les connaissances et aussi ça peut diminuer les mauvais comportements que les jeunes peuvent adopter lorsqu'ils ne sont pas occupés. C'est-à-dire que ces centres de lecture peuvent contribuer au niveau de l'adoption de bons comportements et des jeunes. De même que les élèves du lycée Nyabihanga, le directeur du dit lycée demande que ces claques soient implantées dans toutes les communes du pays, Nyabihanga y compris. Évariste Nzikobanyanga et le conseiller socioculturel du gouverneur de la province Mngaro confirment que les trois communes sur six de cette province n'ont pas de centre de lecture et d'animation culturelle. Claver Ngouroubé apprécie positivement les actions du gouvernement allant dans le sens de renforcer les connaissances des filles et fils du pays à travers ces centres. Il demande cependant aux administrateurs communaux de construire des salles qui abriteraient ces centres de lecture et d'animation culturelle. Suivez plutôt Claver Ngouroubé, conseiller socioculturel du gouverneur de la province Mngaro. Je ne suis pas du tout satisfait. En tant que responsable administratif provincial, je ne suis pas du tout satisfait. C'est la raison pour laquelle nous continuons à inciter ces trois administrateurs communaux qui n'ont pas encore construit ces claques de le faire sans délai. Je me dis que d'ici une année, en tout cas, je vois la volonté de l'administrateur communal de Nyabihanga. Je me dis que d'ici une année, il va construire ce CLAC avec l'appui des natifs et aussi avec les fonds de la commune. Je me dis qu'ils vont planifier. Ils ont déjà certainement planifié la construction de ce CLAC. Il y a aussi la commune de Bissolo et la commune de Lusaka. Je me dis qu'ils vont le faire incessamment. Parle, rassure-moi. Les discours haineux en politique sont des discours injurieux visant un individu ou un groupe d'individus et pouvant menacer la paix sociale. Explication d'un journaliste et doctorant en sciences d'information et de communication qui fait savoir que de tels discours discréditent les autres. Livin Boudaouda appelle les personnalités publiques à éviter des déclarations remettant en cause l'égalité. Lydie Garimbare. En période post-conflit, les discours haineux en politique sont utilisés. Ils sont notamment caractérisés par la discrimination. Les discours de haine sont caractérisés par trois éléments importants. Ils peuvent être véhiculés par toute forme d'expression, notamment images, de caricatures, des objets, des gestes, des symboles. Ils peuvent aussi être diffusés en ligne ou hors ligne, dans la rue, contre un groupe quelconque. Les discours de haine sont discriminatoires, biaisés, fanatiques ou intolérants, péjoratifs, préjudiciables, méprisants et dévalorisants à l'égard d'un individu ou d'un groupe. Les discours de haine s'attaquent aux facteurs d'identité. Et les discours de haine ne peuvent être dirigés qu'à l'encontre d'un individu ou d'un groupe d'individus. Selon ce journaliste et doctorant en sciences de l'information et de communication, ces discours d'intolérance politique sont utilisés dans des contextes de crise. Et là, je vais m'appuyer sur un auteur américain du nom de Jeremy Rondon qui a écrit après l'attaque du World Trade Center aux États-Unis, à New York, dans l'État de New Jersey, c'est là où il y a eu des écrits discriminatoires. Et vous trouverez aussi ici, tout près de chez nous, au Rwanda, lors du génocide en 1994, même avant, il y avait un langage plus ou moins codé où les personnes de la catégorie Tutsi étaient assimilées aux insectes, inyenzi, qu'il fallait écraser sans aucune forme de procès. Comme vous vous souvenez aussi, lors de la colonisation, par exemple ici chez nous, il y avait des endroits où à l'entrée, il était écrit « Interdit aux chiens et aux noirs ». Ça veut dire que, effectivement, les nègres, les noirs, comme on les appelait à l'époque, étaient assimilés aux chiens. Levan Boudaouda fait savoir que des agressions physiques en passant par l'évitement sont des conséquences de tels discours. Les conséquences, c'est notamment l'évitement. On va d'abord éviter de rencontrer son groupe. On va inciter les autres, les membres de son groupe, qui propagent ces discours, à éviter de rencontrer les autres. On peut en arriver à ce que les gens s'entretuent. Les conséquences aussi se manifestent sous forme d'exclusion sociale. On veut exclure un groupe sur le terrain politique, sur le terrain social, sur le terrain économique. Hein? La description identitaire surtout, culturelle, philosophique et même physique et psychologique. Cet expert ajoute que le rôle des personnalités publiques est d'encadrer la population dans la diversité en renforçant les principes démocratiques. Il faut en outre punir les auteurs de télémessages, renchérir les vents Bouddha Bouddha. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.